émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap, La Fouine, capitale du crime 4. Capitale du crime 4, toute la semaine, c'est jeudi soir et c'est La Fouine qui est là. Bonsoir, comment ça va? Salut tout le monde, comment ça va Fred? Écoute, en pleine forme. Cool, tout va bien. Aussi en pleine forme. On est à 4 jours maintenant de la sortie, ça y est, ça approche. Ça approche. Quatrième volet de Capitale du crime à découvrir cette semaine entre 20 et 21 sur Skyrock avec un invité ce soir. Alors avec un invité ce soir, mais d'abord je tenais à remercier tous les auditeurs de Sky, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Envoyez vos messages au 41 Sky, 41759 et le hashtag La Fouine sur Skyrock. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui on a un invité de marque, une personne que je suis depuis pas mal d'années. Je suis super content qu'elle soit sur ce projet. Il est résident ces derniers temps dans Planète Rap. Ouais, toujours là. Il vient assez souvent ces derniers temps. Voilà, H Magnum. Ah si si si, si ça fait super. Avec sa place habituelle, c'est bon. C'est mon sa place. En fait, il fait un Planète Rap en semaine par semaine. H Magnum, il vient, il fait son Planète Rap semaine par semaine. Ça fait plaisir. Bon, ça va? Ouais, ça va. En pleine forme? Ouais, ça va. Super, super. On est là. Là, on est. La rencontre, H Magnum, la fouine, H Magnum. Ben H, ça fait. C'est un artiste qui a une carrière assez différente des autres. Ça fait longtemps qu'il est là, mais on a l'impression qu'il est aussi de la nouvelle génération. Ouais. C'est vrai. Donc c'est quelqu'un qui rappe vraiment bien, qui a son univers, qui arrive avec un album lourd. Ça fait longtemps qu'on se côtoie, qu'on se croise dans les studios chez Corescalp, chez Scalp maintenant, il n'y a plus de Corescalp, chez Scalp avec Karim. Et puis voilà, j'ai fait sa connaissance et puis le courant est bien passé. Et je l'ai invité sur ce projet et le morceau justement sur lequel on a posé qui s'appelle Terrain, c'est un de mes morceaux préférés du projet. Oui, voilà. Tu nous l'as dit en début de semaine, c'est un de tes morceaux préférés avec H Magnum. Mais franchement, c'est un voilà, tu vois, j'ai pris un petit cours de rap avec Tony. c'est une machine de guerre, tu vois. Et ça s'est fait au feeling comme ça, tu vois. Et voilà, ça a donné ce morceau. Et moi aussi, je suis super content. Et ben, on pourra le découvrir ce soir, j'espère bien. Bien sûr, on va écouter comme tous les soirs. On va commencer par Rabéné. Et juste après, on se mettra ce morceau. Envoyez tous vos messages 41 Sky 41759. Moi, je dis que le couplet que j'ai posé sur ce morceau, c'est mon couplet préféré de la mixtape. On va voir si c'est. Il est lourd le couplet. On va voir si c'est aussi le cas pour tous les auditeurs. Envoyez vos messages 41 Sky 41759. Et allez, dites-nous vos impressions. Voilà. Ça arrive dans quelques minutes le morceau, mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Prenons le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Ça va, en forme, on se rapproche de la sortie. Eh oui. CDC4, ça arrive. Ça arrive déjà deux soirs sur Skyrock avec toi. Merci pour tous vos messages, en tout cas. On reçoit plein de messages de soutien. Ce soir, je vous présente plus Canardo qui est venu. Yeah. Bonsoir, le frangin. Voilà, et puis on a un membre du GSI. Mes origines, quoi. Moi je suis parti au Maroc, origines. J'ai écouté ce morceau, j'ai flippé, je l'ai fait avec Reda et ça m'a fait plaisir en plus de chanter en arabe à la fin de la chanson. C'est un projet, c'est une mixtape sous forme de compilation avec plein de nouvelles têtes, dont GSX et le morceau Il y aura des blessés qu'on va se mettre tout de suite. Ouais, c'est un morceau très rentre dedans. À quand la villa sous l'équateur, c'est du porno, le morceau est sur Brazzers. On remonte quelques années en arrière, quand vous étiez bambin, plus jeune, de se dire voilà, votre passion c'était le rap, de se dire que. Je me rappelle, j'étais dans ma chambre avec Laouni aussi, on écoutait Skyrock le soir et là on est là, tu vois, de l'autre côté du micro et ça fait toujours plaisir et surtout de partager ça ensemble et ouais. On vend de la cesse, t'as pas de bitch, écarte les fesses. Panam, haram, les bails pas clairs, on va les faire clair comme un éclair. Aïe, poto, nique la, va faire de l'inceste. Je retourne mes crêpes, tu retournes ta veste. Chiter les rails ici s'allument. Ne te fie pas à nos poids plumes. Club Medeke et j't'ahep, 11-43, on va trouver les biceps. Mister Canardo, tu connais, fais pas le teubé, on a les tubes, on a les itachés, on passe à la télé. Si les petits croient en nous, c'est qu'on n'a pas tout dévoilé. J'en vois tellement de rafales qu'ils pourront pas tout avaler. Dis-leur qui sont les boss, sont les best, pour les West, CD, c'est du rap d'adulte, pas du rap de Mino. On va t'aplatir comme une pizza Pino. 7890, d'où vient le niveau? D'où vient le niveau? Demande à check, ici les joints tournent comme la boc. Galaxy œuf, pas devant le ref. Que de la frappe, le rap pour moi, c'est ta palette.

Capital du Crime 4 avec ce morceau Va Bene et Reda Taliani qui est présent dessus avec La Fouine. Chanté. Le truc est cool, ça m'a fait plaisir de chanter en robeux en plus. Ouais. Ça c'est vrai que c'est plus un titre de Laouni. Ouais, voilà, c'est un des rares titres de Laouni. Un des rares titres de Laouni que sur CDC4. CDC4. Ouais, il y a 2-3 morceaux cool, c'est tout. Tu vois, c'est vraiment un morceau, un album rentre dedans. T'as les 3 dernières chansons qui sont calmes. Le reste, c'est de la guerre. Comme le morceau qu'on va s'écouter, la Terrain. Il m'a épaté quand il est arrivé en studio H Magnum. Il a rappé, il a ramené un flow vraiment lourd. Je suis pressé de vous faire découvrir ce morceau. Toi, justement, quand tu pensais à Capital du Crime 4, t'as pensé aussi à H Magnum tout de suite ou c'est venu au Non, c'est venu au fur et à mesure. Ouais. C'est venu au fur et à mesure. Donc voilà, en plus de toute façon c'est les featuring le chez déjà, moi, ouais, les featuring chez moi, ça naît toujours de belles rencontres de toute façon. Voilà, c'est quand tu rencontres quelqu'un, tu le découvres, tu passes un bon moment, tu te rends compte que ça match entre vous et puis voilà, le morceau se fait naturellement. Ouais. Ouais. Mais en plus c'est ce qui est, je trouve que ça manque beaucoup dans le peur à français et ça donnerait, ça montrerait le truc plus loin, tu vois. T'as écouté un petit peu H Magnum, le CDC4 ou? Eh, mais CDC4, c'était top secret, frérot, tu vois. je veux l'écouter. Il t'a pas fait écouter quand t'es venu en studio et t'as pas dit, tiens, écoute. Non, si, j'ai entendu des lourdeurs, j'avais entendu l'intro, il m'avait fait écouter l'intro. Le son avec Exo aussi, violent, très très violent, tu vois. Quand je sais pas, que des punchs. Et ce que j'aime bien avec Fouini, c'est qu'il n'y a jamais un 16 mesures qui passe inaperçu, tu vois. Tu t'en tires avec au moins une phrase, tu vois. Avec quelques dégâts. Avec, voilà, tu vois. Et c'est ce qui est, tu vois. J'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé. Là, je me suis réveillé. Est-ce qu'on l'écoute ce morceau ou pas? Bon, on se l'écoute. Le morceau s'appelle Terrain. À mes yeux, c'est mon meilleur couplet de CDC4. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis au 41 Sky 41 759. N'oubliez pas que l'album est déjà en précommande sur iTunes et que vous avez 2 morceaux offerts pour l'album sur iTunes. Donc allez le précommander dès maintenant. Et lundi, l'album sort dans les bacs, la mixtape de l'année CDC4. Et c'est tout juste sur Skyrock. Love featuring my man H Magnum. Les Magnums sont juste derrière les ceintures. Terrain H sur Skyrock. Fouine. Yeah. J'ai fait un rêve, je l'ai shooté tous. Pas te faire vex quand t'es gun tous. Ouais, Renoir, les temps sont bizarres. Bicrave la dure, oublie la drogue douce. Ouais, baisse les brunes, les blondes et les rousses. Des barrettes de shit dans la trousse. En tournée aux quatre coins du monde, c'est Renoir, se sont tournés les pouces. J'ai fait du beat, mesdames et messieurs. Ma carrière n'est pas de turbo. J'ai tourné, j'ai mangé chez eux. Au 5 bis, Alexandre Turpo et au ROB, je suis pas de leur monde. Et ça gros, ne l'oublie jamais. Mes blessures sont à l'intérieur, ouais, juste derrière mon polo Chanel. Élevé au tagine, zombie. Haché, kick, kefta et bisap. Non, c'est pas moi qui a changé. Ces bâtards sont devenus bizarres. Façon un jour tout se paiera. On se défourait pour un terrain. Yesterday les keufs m'ont soulevé. J'avais l'impression d'être R1. Ouais, pas de mandat, très peu de courrier. Qu'un parloir le long de ma peine. Aujourd'hui c'est mon répertoire. J'ai sûrement le number de ta chienne. Non, Renoir, sois pas good day. Ouais, que Dieu soit loué. Ma voiture n'est pas louée. Mon pare-balles n'est pas troué. Pareil que ta bicrave, quelle tu parais. Ouais, tu t'es trouvé en 11. Donc tu prépares ta maquette. Mais sur le terrain t'es pas dans les 11. Et puis je vois pas pourquoi ils se la pètent. Ils n'ont pas la médaille de bronze. Les ballons s'appellent le 17 et moi je me barre en 911. Pas parler pour parler, à quoi ça sert au vrai? Et pourtant quand venait le moment d'allumer, les bâtards engrainés, les voitures ont freiné, les ratatatata, les darons à voler. Rafale énervé, les ballons sont craqués, confidence avouée. Les condés défilés, le terrain est miné. Les petits enfilés, enlevez vos sapes et venez chacun les écrouer. Chacun son rôle, chacun sa merde. Que Dieu soit loué. Si on a le monopole, c'est qu'on n'est pas troué. Le juge est sans pitié, la daronne implorait, me noter, transférer. C'est dans ses larmes que le pleurait. J'ai vu du sang gicler quand la bastos m'a effleuré. Un glock sous l'oreiller, enrayé, comment trouver le sommeil. Les ennemis gisent 6 pieds sous terre. Les petits frères perdent leur temps sur le terrain. Sa bicrave, rafale, n'achète un, j'garde mon calme car je l'ai fait, mais j'perds mon temps sur le terrain. Le temps c'est de l'argent, mais mon temps sur le terrain. J'ai fait des gros sous, mais mon temps sur le terrain. Rafale en tête à tête, on peut se faire fumer pour un. Combien 6 pieds sous terre n'ont pas tenu pour un. N'ont pas tenu pour un. On va se fumer pour un. Assumer pour un. Yeah. Ils disent que je suis Illuminati, ils ont tort, mais bon, je les comprends. Plus j'avance, plus ma monnaie grandit. Dieu pardonne mes fouilles, ni babe. Non, j'ai fait un rêve comme Martin Luther. Banque de France, j'étais du père. À ce qui paraît, tu m'as pas vu. C'est normal, j'étais chez père. Envoie les sous, fils de pute, arrête de tweeter. Renoir agit. Mon son tourne dans toutes les prisons, comme les cubes, bord magie. Comme en Ukraine, terrain brûle. Madame la juge, on t'encule. Brûle les draps, les chauffe les PQ. C'est des CK dans ta cellule. Ceinture H avec mon pote H. On pose les magdoms sur les bleutas. Je crois que ta meuf est sur mes genoux. Hein, on croit à la gueule que t'as. Dans mon allemande, je mange un kefta. Dans la boîte à gants, j'ai de la peufra. Et si les keufs me contrôlent, je crois que je leur signerai un autographe. Fouille. Le juge est sans pitié, la daronne implorait. Me noter, transférer. C'est dans ses larmes que le pleurait. J'ai vu du sang gicler quand la bastos m'a effleuré. Un glock sous l'oreiller, oreiller. Comment trouver le sommet? Les ennemis, j'ai 6 pieds sous terre. Les petits frères perdent leur temps sur terre. Ma bicra, ma fan, achète un garde mon calme. Car je les belles, mais j'perds mon temps sur le terrain. Le temps c'est de l'argent, mais mon temps sur le terrain. J'ai fait des gros sous, mais mon temps sur le terrain. Rafale en tête à tête, on peut se faire fumer pour un. Combien 6 pieds sous terre n'ont pas tenu pour un. N'ont pas tenu pour un. On va se fumer pour un. Assumer pour un. À l'instant, le morceau s'appelle Terrain et l'extrait de Capital de Crime 4. Terrain. Bon, bah, dites-nous, est-ce le meilleur, couplet de La Fouine? 41759. Franchement, il a rappé, hein. Le hashtag La Fouine sur Skyrock. Bon, toi aussi, ça va? T'es content du Ah, ouais, je suis super content. Tu vois, il y a, c'est une couleur, c'est lourd, tu vois. C'est une couleur bien particulière. Une belle couleur, tu vois. Envoyez vos réactions sur ce morceau 41Sky, 41759 et sur Twitter. H Magnum est là aussi avec nous, entre 20 et 21. Et d'ailleurs, il y avait une espèce de ligne éditoriale pour CDC4, La Fouine, ou pas, quand t'as appelé des artistes comme H en disant, voilà ce que je compte faire, voilà ce que, il y a une direction particulière ou tu laisses faire tout le monde? Bah, je laisse faire tout le monde. Quand H il est arrivé, par exemple, sur la prod, il a commencé à écouter. Et puis moi, il voyait que j'étais en train d'écrire un morceau, en train de rapper. Lui, il s'est dit, pour ramener une couleur différente, je vais commencer à essayer de trouver une petite mélodie, un petit truc. Donc voilà, c'est toujours un travail d'équipe avec toutes les personnes avec qui je travaille. C'est jamais dans une direction bien particulière. C'est chacun essaie de ramener sa touche. C'est ce qui a toujours fait la force de ce projet. Et bon, on le découvre ce projet jusqu'à vendredi. H Magnum qui est en studio aussi, hein. Tu nous toujours as dit, en studio, lors en train de ta dernière visite. Voilà. La dernière fois que t'es passé dans le Planète Rap, ça bosse dur pour 2015. Ouais, ça bosse dur pour 2015. Et voilà, donc il y aura du très très lourd. Voilà, et voilà, on peut le voir déjà sur CDC4. Il y a un clip qui est arrivé. T'as maté le clip de H Magnum? Je l'ai partagé. Ouais, s'il a partagé. Non, il a. Ah, ça doit te plaire parce qu'il chante justement là-dessus. Moi, il m'avait fait écouter le morceau, il était arrivé en studio. C'est vrai. J'adorais ce morceau. Mais j'ai l'impression que quand tu bosses avec Scalp, tu en sors toujours grandi. Ouais. C'est quelqu'un qui tire toujours vers le haut, c'est un musicien hors pair, c'est quelqu'un qui puise le meilleur de toi-même. Donc je fais une grosse dédicace à Scalp et je le remercie pour toute la force qu'il nous a donnée sur les projets auparavant. J'espère qu'on travaillera encore longtemps parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, quoi. Ouais. Gros big up à Scalp. Et ouais, c'est un sacré bosseur, le mec. Mais grave. Et à Stani avec qui je bosse aussi, qui est très lourd aussi. Bon, on va revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'on va balancer comme morceau? On va se balancer un morceau qui s'appelle NDM. Donc je vous laisse le découvrir. C'est un morceau super lourd avec une prod très originale. Moi je découvre comme vous, hein, les gars. Je me prends des gifles en direct. Non, la prod de NDM elle est incroyable. C'est vraiment une prod venue d'ailleurs. C'est Scorp. Non, la prod c'est Sony Alves qui a déjà travaillé avec moi sur pas mal de morceaux. Et voilà, donc je vais vous laisser découvrir NDM, c'est un morceau de malade. Très bien, et ben, ne bougez pas, il y aura la signification d'NDM dans quelques minutes, vous comprendrez. Bougez pas, ça arrive. L'album c'est lundi, toujours en précommande, hein, le 24 novembre dans les bacs. D'ailleurs j'ai tourné le clip de NDM en Algérie. J'ai été dans leur quartier à Beb El Oued, tout ça, c'était une très bonne expérience. Et puis je remercie tous les Algériens qui m'ont accueilli ce jour-là. Et voilà, donc ce morceau c'est un petit big up à vous. Parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup beaucoup de clips autour de ce projet. Il y a beaucoup d'images. Ouais, il y a beaucoup d'images. C'est un concept que j'ai mis. Et tous les vendredis, un nouveau clip. Et donc là, ce vendredi-là, exceptionnellement, il n'y aura pas de clip parce que le clip est fait. Mais malheureusement, le morceau est tellement hardcore que si je pose le clip, Et ben deux minutes après il va sauter par Tu connais le nom du morceau aussi, tu vas comprendre pourquoi. MDM. Il s'appelle Pisse sur le FN le morceau. Voilà. Donc je peux pas poster le clip. Je peux pas poster le clip, mais dès vendredi il sera en ligne sur iTunes. Allez le pécho dès vendredi sur iTunes. Bah écoute, de temps en temps il faut savoir se soulager. Hein, genre, si non, mais, dire, bah ouais mon frère, j'avais envie de pisser. Ah bah ben, là les gars ont envie de pisser. Attends, et bah je vais pas me pisser dessus. Bah non. Voilà, c'est le FN automatiquement. Non mais c'est bien en plus, ce serait bien de se mobiliser parce qu'on a l'impression voilà, autour du Front National que c'est devenu un parti un peu comme les autres. Que, c'est clair. Ouais. Bah, qu'il y a une espèce de dédiabolisation, mais quand tu regardes bien les fondements et ce qu'il y a toujours derrière, c'est un peu les mêmes qui traînent. Hein, donc, c'est clair. De temps en temps, ça fait du bien de se soulager, j'ai envie de te dire. Ça fait du bien. Exactement. Moi, je vais faire un prochain qui s'appellera Chi sur le FN. Tu peux aussi. À suivre donc pour 2015 et sur Skyrock dans un instant le retour de Planète Rap. Ne loupez pas le morceau qui s'appelle NDM. NDM. Il arrive dans quelques minutes sur Skyrock. Allez. Envoyez vos messages 41 Sky 41 759. Et du live aussi ce soir, ça arrive après ça. Jusqu'à 21h. C'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap, La Fouine, capitale du crime 4. Et avant de retrouver La Fouine et capitale du crime 4, on est en train de vous préparer une belle petite opération avec nos amis de chez Philips et leur nouveau rasoir Click and Style. Pour avoir plus d'infos, allez faire un tour sur skyrock.com/shaveandplay. Skyrock.com/shaveandplay. Grosso modo, on recrute plutôt des mecs, parce que sinon, si c'est pour les nanas, c'est un peu gênant. Mais si vous avez un peu de poil au menton, voilà, moustache et tout, allez faire un tour là-dessus et venez affronter prochainement ici dans le studio de Skyrock Youssoufa, Cut Killer et plein d'autres. Tout est expliqué, skyrock.com/shaveandplay. La Fouine a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap spécial Capitale du Crime 4. La Fouine est là ce soir. H Magnum. Et là aussi, H Magnum, comme tu nous le disais tout à l'heure, l'album était sous verrou. Ouais. Hein, c'était compliqué à entendre. Donc tu vas pouvoir découvrir des morceaux avec nous ce soir. NDM, ouais. Et un morceau qui s'appelle NDM. T'as pas écouté encore ? Non, on m'a dit qu'il était très très lourd. Donc j'attends. Ouais, il a un grand sourire, La Fouine, il a l'air content. Bah, il est sûr de lui. Il est sûr de lui. Quand il est sûr de lui comme ça, c'est que c'est lourd, gros. Non, c'est pas mal, c'est cool. Mais c'est pas mal. Sur le côté sûr de toi, est-ce que maintenant il y a un peu plus, voilà, est-ce que t'es confiant quand tu sors un projet comme CDCK, ou t'es toujours un peu dans le doute? Bah, je suis toujours un peu dans le doute, mais je suis content parce que j'ai des bons retours et puis je vois quelque chose qui se passe et puis je vois un engouement aussi du public. Donc ça fait toujours plaisir. Après, ça fait combien de temps que je viens? C'est mon combien de Planète Rap là aujourd'hui? Tu saurais me dire? Je peux compter. Si tu veux, je vais compter. Je te dis ça. Tu me diras. Je pense que je suis un des artistes qui a fait le plus de Planète Rap de l'histoire de ça. Ah bah, on compte Max 209 à l'époque aussi. Ouais, Max 209, tous les Capitales du Crime, les Team BS, les albums. Les albums, je pense que dans le top, t'es bien classé. Ouais, je pense. Ouais. Je pense. Hein. Plus les interventions quand t'es passé. Ouais, c'est clair. Bon, on va essayer de faire un calcul d'ici la fin de semaine. Hein, Fab. Ouais, de toute façon, on peut lancer ça aussi aux auditeurs. Envoyer ça au 41 Sky 41759. Combien de fois je suis venu au Planète Rap? Essayez de compter pour voir. Allez-y, avec le hashtag La Fouine sur Skyrock et le morceau s'appelle NDM. On l'écoute tout de suite. Ouh. Ouais. Niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer, niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer, niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer, niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer, mer. Y'aura du niquage de maman. Baisse d'un ton, Renoir parle autrement. J'ai changé le game, moi j'ai changé la tona. Hein. J'ai le flow royal, Oak Daytona. Y'aura du niquage de daron. Là où ça tourne par rond, les grands tables de la marron. Massage avec finition, tu connais. Faites place, multimillionnaire sans brevet. Sac passé, n'a boulet. Je me rappelle des 6 du mat, des keufs en bouledé. J'avais rien dans les poches, j'avais le salaire d'un poundé. Le note au poignet avec le regard trop goudé. Porsche, S4, CMC n'ont aucun buzz. Y'a que pendant le ramadan qu'ils ont des dates. Escale, team dans le sale. Je rebrasse plus vite que les balles. Niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer, niquage de mer, niquage de mer. y'aura du niquage de mer, niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer, niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer. Accroupis tous, enlève tes lacets. Rap ma vie, invente-toi un passé. T'es au coin vibre, arrête de te la péter. Attends, dis-toi que sur ma table j'ai le prix d'une ODTT. R8, 7-8 dans les parages. Fonce tête baissée comme sur les barrages. Y'a plus de bip, ils ont braqué Colette. Si j'ai plus de gun, coup de clé à molette. Nique la bac, la départementale. Quand les guns tirent, les départements parlent. Hein, ici on te fuck, y'a pas de piste. Dans ta matrice, robot un flow commis d'office. Y'aura du niquage de serre. Ici on bloque l'ascenseur. Tous mes types chantent en cœur. Y'aura du niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer, niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer, niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer, niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer. Démarre le fer, on monte sur les champs, on te casse les dents. DJ Deschamps, les meufs d'aujourd'hui, c'est plus comme à l'époque, elles mettent plus de capote, c'est pour passer la côte. Y'aura du niquage de mer. Le temps des représailles, sa mère. On te vend de la coke en petits sachets. Tous les chemins mènent à Versace. Demande à Momo Roya, demande à Roma. J'ai giflé le rap, je l'ai laissé dans le coma. Arrête tes salades, là tu sens le feu, le feu. Darbeida, frère, que f'tajmel. Hein, y'aura du niquage de Tanki. On s'en bat les couilles, on a kidnappé Gandhi. Hein, y'aura du niquage de Jibda. Niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer, niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer, niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer, niquage de mer, niquage de mer. Y'aura du niquage de mer, mer. C'est extrait de Capital du Crime 4 à l'instant, NDM. Donc on fait la signification. Niquage de mer. A priori c'est ça. Ce que je kiffe dans ce genre de prod, c'est qu'elle est très minimaliste. Il y a très peu d'instruments qui laissent beaucoup de place au flow et puis beaucoup de place à la punchline. Ouais. Est-ce que justement dans aussi la partie écriture, alors ça c'est plus des morceaux ego trip, voilà. Freestyle, enfin, c'est très ego trip, c'est ce qui passe par la tête, c'est juste pour kiffer quoi. Ça, c'est une chanson, c'est pas pour aller méditer dessus. Quoique, il y a des gens chelous. Il peut y avoir des gens chelous. Mais t'aimes écrire quoi entre les J'aime morceaux. J'aime ce genre plus, de personne qui a ce morceau. Plus les Va Bene par exemple. CMC n'ont aucun buzz, il y a que pendant le Ramadan qu'ils ont des dates. Lourd. J'aime ce genre de punchline, tu vois. Moi, j'aime écrire les deux, tu vois. Des fois, quand je suis un peu pensif, j'aime me recueillir sur ma feuille et puis écrire des trucs comme Va Bene. Et puis quand je suis avec mes potes en studio, musique à fond, j'ai envie d'écrire des trucs rentre dedans qui fassent sauter le public. Et ça donne ce genre de morceau. NDM. NDM, toi pareil aussi, H. Magnum, ouais, sur l'écriture. Non, mais c'est ça, c'est en fait le rap, c'est la vie, tu vois. On rigole, on peut être sérieux, on peut déconner, tu vois ce que je veux dire ou pas. Faut pas se prendre la tête, faut pas se cloisonner. Il y aura de ça aussi sur Gotham City. Ah, sur Gotham City, il y aura de ça. Parce que là, tu arrives avec un morceau très doux, très paisible, ouais, tu chantes. Paisible, je chante. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Bon. Et je pisse sur le FN. H. Magnum avec nous entre 20 et 21 dans le Planet Rap de la Fouine, capitale du crime 4. Freestyle dans quelques minutes ce par soir, téléphone. Du freestyle. Ah, ouais. Ah, bah on a quelqu'un par téléphone tout de suite. Regarde, tiens. C'est quelqu'un qui nous appelle de Charleroi en Belgique. C'est Drew, c'est bien ça, Drew? Drew, peut-être. Drew. Allô, allô. Allô, ça va bien quoi? Ça va? En forme? Ça va et toi? Ça va, c'est Drew, c'est ça? Voilà, c'est Drew Song. Drew Song. Très bien. Voilà. Eh ben, bienvenue. Il y a la Fouine, il y a H Magnum qui est là avec nous ce soir. Bonsoir, Drew Song. Bonsoir, Drew Song. Si, frérot, ça va. C'est un gars de Belgique, Charleroi. De Belgique. Tu me reconnais ou pas? Si, je te vois, je te reconnais. On s'était vu à Charleroi. Tu m'avais dit bonjour à Charleroi. Ça va, et toi? Tu vas nous faire un freestyle. Ça va, je fais une grosse dédicace ici, mon frère. Je vais le dire à Mohamed, à Kev, à Nef. Voilà. Tous les frères de Trap Baudé. La classe Baudé, si, la famille. Gros, si. Comment ça, mon frère? T'inquiète pas, je vais précommander ta mixtape. La classe, mon frère, si mère. Eh bon, bah t'écoutes rapper maintenant parce que t'as une 30 pour tout défoncer. Mon frère, je suis un chanteur, je vais chanter. Ah, tu vas chanter, tu as raison, un petit peu de chant, ça va faire du bien. D'accord, mon frère, vas-y. Allez, c'est parti. Chanson de Kerry en plus. Yeah, yeah, yeah, yeah. Broussande, femme et les records musique. Yeah, yeah, yeah. J'ai la tête qui tourne, j'aimerais me faire écrire avec le cœur rempli de larmes et de regrets. Faire de la vie n'est qu'un brevet. On n'a pas cela fermé derrière la monnaie. J'aimerais retirer toutes ces chaînes, partir d'ici jusqu'à que le vent m'emmène. Je n'ai plus rien à perdre, je reprends la vie en main. J'ai toujours les pieds sur terre du jour au lendemain. Trop de rêves brisés, mes larmes ne font que couler. J'ai couru dans le sommeil. La porte s'est refermée. Je n'ai même plus la peine. Aujourd'hui je n'ai plus confiance. Trop de regards de haine se transforme en souffrance. Je n'ai qu'une chose à faire, c'est de partir les yeux fermés. Dire que c'est enseignant que l'on construit nos futurs. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vibe, hein. Drou à l'instant. Grosse vibe, hein. Bravo Drou. Ouais. Bravo à toi, merci Drou. Frère, merci frère. Voilà, je voulais aussi montrer mon talent devant toi, Fini. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. Et on peut te suivre où, Drou? Est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs sur le net quelque part? Donc sur Twitter, c'est Drou Sound Off. T'as déjà fait des reprises d'un de mes sons, Drou? Ouais, voilà, j'avais pas les mots. Si. T'as déjà repris, j'avais pas les mots, ouais, je me rappelle. Ouais, voilà. Et j'avais fait maman, mais j'ai envie de l'envoyer, mais je sais pas comment t'envoyer, mon frère. La classe, on parlera de ça plus tard. Pour l'instant, on est sur CDC4 à fond, merci du soutien, frérot. Et rappelle-nous, toi les adresses où on peut te suivre, Drou. Voilà, donc tu vas me suivre sur YouTube, donc c'est Drousson, comme d'habitude. Sur Facebook, sur ma page, c'est Drousson, donc grand. D-R-E-W, hein. Voilà, S-O-N-G-Z. Tu peux faire des big ups, mon frère. Vas-y, vas-y. Voilà, je fais un gros big up à mon frérot Baudet, Trapstar, Apollo, Samir, Checkware, mon frérot Melvin de la famille Rocker Music, Young Boys, Step de Scal Rocker, on se connaît déjà hier mon frère. Et moi, la menace, Vince, Demix, mon ingénieur de son professionnel, Nassim, Hamidou et Dixon, et bien sûr Funny Babe. Si, voilà, merci la famille. Merci à toi, famille. Drou à l'instant en freestyle dans l'émission par téléphone. Merci, je fais une grosse dédicace à mon pote Toumani qui est arrivé, Dixon qui est là ici. Et puis Glenn Smith qui est magnifique. Tu avais cette tenue mais de non, Glenn Smith. Putain, il mange ça. Il a beaucoup plus de swag que le rap français. Le rap français est en bas. Ah, Balenciaga. Tu avais ce swag de Il se passe quelque chose en ce moment. Donc il se passe un dream. Non, mais c'est ça qu'il faut, parce que le mec est censé être derrière la caméra. Tu vois, quand il est swag. Ah, bon, le malgré c'est que les gens, ils ont plus de swag que certains rappeurs. On est là, on vient en bord. Tu vois pas qu'il était à New York quelques jours, Miami, Paris, clip. Et tu mets quoi dans les poches de ce pantalon là qui sont en bas? Il y a une dizaine de poches, quoi. Non, apprends-le, petit point mode, parce que là. Parce que juste déjà la paire à fond. Ouh! Bah, ils peuvent pas comprendre ce genre de paire. C'est une Jordan rétro, très rare. Ah, celle de la Jordan, voilà. Celle de la Fouine. Mais je parlais de ton pantalon, moi surtout. Ça, c'est un swag qui vient des States. Ah. Donc tu peux le voir en Amérique. Ouais. Non, vous pouvez regarder sur les caméras de Skyrock là après. On va prendre même carrément des photos. Voilà, on va faire une séance photo avec. T'ennuies pas qu'on fasse une séance photo avec toi? Ouais, on va la mettre sur le skyrock.fr. Vous le mentionnez aussi. Ah bah non, mais attends. Évidemment qu'on va, le mentionner. Bon, en tout cas, Glenn, il a beaucoup de boulot. Hein. Il a beaucoup de boulot. Glenn parce a beaucoup de boulot, mais c'est un mec qui taffe beaucoup. C'est le réalisateur le plus talentueux de France. Et ça me fait plaisir parce que ça fait des années qu'il travaille dur. Et aujourd'hui, le travail paie. Il est là, il fait les meilleurs clips du rap français. Il a beaucoup de demandes, donc gros big up à Glenn Smith qui est là, et toute son équipe Dabo, toute c'est son la, équipe c'est of Saint, Free of Saint. Allez, on écoute un morceau avant de passer au live. On va écouter un morceau, mais ce soir au live je vais faire Saha. Et je vais vous présenter un jeune artiste que j'ai découvert, que j'adore, qui s'appelle Hous, et va vous faire un putain de freestyle aussi avec moi. C'est quelqu'un que j'aurais adoré avoir sur Capital du Crime 4, mais je l'ai connu en retard. Donc pour les prochains projets ça va Hous? Ça va et toi? Bien, en pleine forme. Ouais, je remercie la Fouine. Petit CV express d'ailleurs de toi. Ouais.

gros morceau aussi, hein, de Capital du Crime 4. Ah, Rich Magnum, réaction à chaud, justement. Ah, réaction à chaud, je me suis pris une grosse gifle. Sincèrement, la classe. Parce que, ouais, je trouve que l'instru est bien respecté, justement. Non. Parce que c'est pas évident de reprendre des morceaux comme ça qu'on marquait. Franchement, il a respecté la prod, tu vois. De Ruskov, déjà. Ruskov qui a bien retaffé la prod. Ouais. Et puis c'était quand même risqué de se lancer dans ce challenge, de reprendre un morceau aussi big que celui-ci, mais je pensais que j'avais trop envie de rapper dessus. Tiens, pour tous ceux qui connaissent pas, parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui sont passés à côté d'X-Men, parce que mine de rien, ça ramène à quelques années en arrière. Dans la nocturne demain soir, je mettrai les deux morceaux. La classe. Ça vous fera entendre les deux morceaux. Voilà, ce sera demain, juste après Difool, entre minuit et 2h du mat. On attaque pour le live. Je vais vous faire un petit coup de Saha. Okay. Et puis ensuite, il y a justement Hous qui va vous lâcher un gros freestyle. DJ Scorp est là, on le salue au platine. Scorp, ça va ou quoi? Je suis prêt. Ça va, t'as passé une bonne journée ou quoi? Très bonne, mon ami. Toujours à l'heure, Scorp. Ça va, mon frérot? Ça va, on est là. Bien. Michel, t'es prêt? Ouais. Eh ben, tu peux balancer quand tu veux, c'est l'heure du live dans Planète Rap. Lundi dans les bacs. Je vais leur apprendre à Béra, Béra, dans leur mère qui vivra, Béra, m'en bat les couilles d'elle, Vira, Béra, t'es sur le coup, t'en pana, Mera, je passe un coup de fil à Bruno, Bruno, je t'interdis de toutes les radios, Laurent Rossi, le tavernier, c'est pas demain la veille qu'on t'ira signer, j'ai pas fait d'études, c'était trop long, je vous les cache tout de suite, et la grosse remonte, première classe, ouais, le plateau est trop bon, quand les balles pleuvent, non, y'a personne au rebond, je lâche des larmes sur la tombe de la daronne, intérieur carbone, moi ton petit charbon, ra, ra, en mode carbone, ma musique est comme ma chaîne, elle est trop bonne, trop bonne, trop bonne, trop bonne, j'ai plus le temps de faire du rap, gros. Album, mixtape, tralala promo. Fouini babe rap depuis le survêt trop go. Un dernier pour la route, j't'accompagne au 6 gros. Mes gars tirent pour moi, mon avocat parle pour moi. Robin, mon banquier compte pour moi. Au bled, le daron compte sur moi. Et la texte, ça ha. Yeah. Et la texte, ça ha. Yeah. Mes gars tirent pour moi, mon avocat parle pour moi. Robin, mon banquier compte pour moi. Au bled, le daron compte sur moi. Et Artex Saha, parle mal, malèche. Artex Saha, yeah. J'ai plus le temps, j'en ma big face. J'vois leur salvage, j'pars de pas grand chose comme dans Scarface. Là où tu traînes, pour un bout de terrain, tu te fais ravaler comme en Ukraine. Quoi de neuf, j'vais en nouvelle. On a pendu Saddam Hussein. J'enterre mon blé dans le jardin, car on récolte ce que l'on sème. J'ai marché dans la merde, oups, j'aurais marché dessus. J'ai craché dans la soupe, j'aurais pissé dessus. Et je suis toujours debout comme une bécane. Tu veux tester, vas-y, t'écale. Trop de la merde, petit interviewé, faudrait ressusciter radical. Red Bull, vodka, Hilton, Pogba, Varane, Darbeida, CDC, Fit, Varane, Pogba. En cellule, j'ai trop rêvé, la charte à Beyoncé. 7-8 longueurs d'avance, la charte à qui on sait. Quoi de neuf, Winnie Bay? Yeah. Quoi de neuf, Bruce? Aïe. Ok. Les pieds devant le dé, je perds mon temps, je regarde pêcheur faire des i en 85. En ce moment mes sons tournent, je vois le mal qui m'entoure, y'a du house dans toutes les enceintes. 2015, je fais du rap à temps plein. Je traîne avec Rimkov, mon co-sanguin. Aspect, Center, Parks, que des rebeux derrière la vitre sans teint. Vitre avec des lamelles, taper des cambus, on a le cul entre deux chaises. J'ai grandi dans le 8-3, mes amis je les compte sur 8 doigts. HLM en bord de mer, celui qui teste, on l'unique c'est grand mort. Ma mère elle est morte dans mes bras, j'étais seul à réclamer un temps mort. J'fais mon entrée dans le game comme Kadhafi, on arrive par la force. Ma femme elle s'en tape de mon buzz, elle veut que je lui offre un Michael Corse. On est posé devant le dé, survêt de l'Ajax, des gains d'Hollandais. On fait rentrer du blé, la conseillère d'orientation m'a désorienté. C'est pas pour me la péter dans mes clips que j'ai le cerveau en fumette. Plusieurs motifs pour que H24, les yeux rouges, feu derrière mes lunettes. Un de celles me fait prendre conscience, qu'on m'écoute même dans le 9-1. Elle me demande de prendre une photo, elle attend ça depuis carte en main. J'prépare ma mixtape, je me demande ce que je vais faire demain. Je me pose un tas de questions, savoir si là-haut elle est fière de moi. J'avance seul, je dois des comptes à personne, je peux t'arranger. On se pète au casif à Alger, au 5-5 chaque à Tanger. J'ai bicrave des sangers, ça raconte que j'ai changé. On se fait plus la bise, on se serre la main comme des étrangers. J'porte du Gucci, du Armani, fuck, t'es comme sur le net. J'peux me faire un disque d'or avec la monture 18 carats que j'perds sur le net. Posé dans mon ghetto, j'fais la fierté des anciens de ma vie. J'suis né dans une famille de brigands, tout le monde sait que j'raconte ma vie. J'me tape des barres sur la concurrence. Ils sont tous pétés, c'est à mon tour de prier. Demande à Zoxy, j'suis complètement pété. Tu penses rapper mieux que moi, t'as le seum quand j'dis que j'ai le meilleur flow du secteur. Tous les mecs de ma génération se sont fait péter. Nique la PKT, nique l'inspecteur. Que Dieu me pardonne, moi je compte plus mes erreurs. Tu proposes de faire un tête, mais ça rend jaloux tous mes négros derrière. Une putain de carrière qui se prépare. Ne vois-tu pas que je baisse le game dès mon départ? Des aides sans chaud, caractère nonchalant. Quand j'étais petit, je mangeais des cailloux. Tu me verras pas faire un ice bucket challenge. J'ai grandi dans un quartier très pauvre. Pour m'en sortir, j'ai relancé ton grand frère. Coupure d'électricité, douche à l'eau froide. Si le rap paye pas, je pars en guerre. Devant le bloc du temps, je perds. À trop vouloir jouer les gangsters. Hakim me manque de respect, je le considère comme mon petit frère. Il ne sait pas cancer. Descendre de civil, qu'il finisse en enfer. Faut que je finisse sur MTV. Dédicacé mes frères qu'on enferme. Quand je rappe, y'a pas de thème. À chaque jour suffit sa peine. Cette nuit je me suis endormi au volant, j'ai failli crever dans mon pack M. Au checker ça se prend la tête pour un demi. Fais tirer deux, contrôle de bleu, je tape un tête à queue, tape un demi. On est de plus en plus lourd, on gagne du terrain, ton bâtard tu sous-estimes. A chaque fois que je prends le mic, mes positions sont claires, ouais, force à la Palestine. On me dit Rose, tu fais le buzz, je suis sûr de moi donc je suis le seul à investir. Que Dieu me pardonne, j'ai fait pleurer ma mère, je crois que j'ai jamais fait pire. On arrive de l'aspect Center Park, si on a les crocs, on va tout prendre. J'ai passé toute ma journée devant le dé, la sacoche remplie de la mêle de 30. Ce que je prépare dans le rap, t'as pas idée. Ça sent le contrôle d'identité. Ce bac me fouille les couilles, il recherche ma fumette. Ce qu'il sait pas, c'est que je l'ai dilapidé. J'rate un mur, j'rajoute du Dolivan. J'suis avec 2-3 DZ, ouais. TP, c'est du fan. Le roll of dur, comme faire des bambas à des guiris. On a tous un point commun, on cherche à se faire un mili. Devant des, j'rate un mur, j'rajoute du Dolivan. J'suis avec 2-3 DZ, ouais. TP, c'est du crâne. Des roll of dur, comme faire des bambas à des guiris. On a tous un point commun, on cherche à se faire un mili. Hey, où se faire un mili. Merci à la fouine, Frido. Gros merci à la fouine pour m'avoir invité au Planète Rap. Il est chaud, hein. Rayou, putain, Rayou, mon gars. Il est chaud, hein. Rappelez-vous de lui, Hous. Allez, à suivre, allez, un peu suivre, partout. Ouais. Ah oui, affaire à suivre, cool. Hous. En et direct bah, sur Skyrock. Merci d'être venu ce soir, en tout cas, Hous. Merci à toi, Fred. Bonne chance pour la suite. Il y a quoi alors dans les mois qui viennent pour toi? Là c'est toutes les trois. Voilà, j'ai commencé un clip il y a deux semaines. Ça s'appelle Devant le D. Et je m'appelle Hous, c'est H-O-O-S-S. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Et bah allez-y, allez cliquer et suivez ce garçon. Et ouais, je disais donc 2015, un projet qui sortira. Ouais, probablement. Début 2015, là, je vais sortir un premier. Début aussi. 2015, tout comme H Magnum qui était là ouais, ce soir. Ouais, franchement, Hous, c'est un génie, frérot. Force à toi, H Magnum. Franchement, suivez-le, il est super lourd. Moi, c'est H Magnum officiel, Twitter, et Facebook, oui. Partout. Allez chercher le morceau de H Magnum, là, le premier extrait de Idem, le premier extrait qui est lancé, et allez chercher. Donc Gotham arrive 2015 et on va s'amuser. Bon, et à la semaine prochaine, ouais. H. Et quand je vois ce Hous comme ça pousser comme ça, je me dis putain. Ensemble. Aïe. Tu vois, lourd. Ouais, je te disais à la semaine prochaine, tu reviens bientôt. Voilà, la semaine prochaine. Merci d'être passé. En attendant, H Magnum, on le retrouve aussi sur CDC4 avec la fouine. Avec la fouine. Et un gros morceau, hein, qu'on a passé tout à l'heure qui s'appelle Terrain. On fait tourner la roulette, c'est parti maintenant. Skyrock t'offre des bons d'achat de 50 euros plus ta nouvelle compil Planète Rap 2014 volume 3. Sabrina de Chalon-sur-Saône, ça va bien Sabrina? Ça va bien toi? Eh ben écoute, en pleine forme, prête à faire tourner la roulette. Ça va Sabrina? Oui, ça va. Je D'accord. présente la fouine qui est là avec nous tous les soirs entre 20 et 21. Salut. Et... bonsoir Sabrina. Et la roulette qui va tourner, on y va, je la lance. Allez, dès que tu veux tu dis stop, c'est parti. Stop. Intimidée Sabrina, je sens que tu es intimidée un petit peu. Et tu vas voir, ça va aller mieux tout de suite avec l'album Planète Rap 2014 et 50 euros en bon d'achat qui arrive à la maison là dans les jours qui viennent. C'est pour toi. Merci. Petite dédicace, petit message à passer? Une petite dédicace à tous ceux qui me reconnaîtront de Chalon, à ma chérie. Et puis, bisous à tout le monde. Merci. Bisous. Et passe une bonne soirée avec nous. Ciao, ciao, merci, Sabrina. Bonne soirée. Merci à vous tous. Merci à Schmagnon. Merci à Hous. Merci à Scorpop Platiné. Merci à la Fouine qui va revenir déjà demain pour la dernière. C'est passé vite cette semaine. C'est passé vite. C'est continuez super. Justement, envoyez vos messages sur Skyrock, 41 Sky, 41759, hashtag. Hashtag la Fouine sur Skyrock. Voilà. Et puis, surtout, allez acheter l'album. Il est en précommande déjà sur iTunes. Allez acheter l'album. Ça arrive lundi dans les bacs. Je fais une petite dédicace à 75 020, Saint-Blaise, Les Parisiens, Les Courtiers, 9-3, Sarcelles. Terrible. On est ensemble. Merci à H Magnum d'être passé. Et on se retrouve demain entre 20 et 21 pour le dernier Planète Rap de la semaine avec La Fouine et peut-être d'autres invités pour conclure cette semaine. Là, c'est D-Fool maintenant. C'est parti, la radio libre. Mais oui, Fredo. On arrive en courant parce qu'on est très sportif, on fait un footing ce soir. Je vous ai vu courir magnifique, tu étais premier évidemment. Oui, et suivi par Marie. Marie. Et suivi par Karim. Bravo Marie, t'es arrivé deuxième, t'es championne. Elle avait l'air d'avoir chaud quoi, j'ai voyé longue pendue. Oui. Et c'est comme ça qu'on la préfère, tu sais, Fred. Hein. Ouais, je sais. Non, qu'est-ce que vous avez dit comme connerie? Je vous ai pas entendu, je viens juste de brancher mon casque. On dit que t'es super, Marie. Tu es magnifique. Ah, quand tu c'est cours. Ça, d'accord. Super, je vous crois magnifique. Vachement, tiens, vu la gueule de D-Fool. Une gazelle passée dans le couloir. Une gazelle, c'est ça. Qui sautille. Fred, fais attention à toi. Très bien, alors je t'annonce arriver les quelques hippopotames. Momo va arriver dans un instant. Un dinosaure, Cédric sera dans le coin. Et tu risques de voir également une chauve-souris. Elle arrive. Elle aura un drone entre les mains. Tu vois ce que je veux dire à peu près. Un chauve, oui. Un chauve qui sourit. Exactement. Ça là avec deux soirs pour le problème du mois aussi. Tiens, Fred, on peut faire un petit blind test. Allons-y. Tous les matins, Fred, à 9h10, à la fin du morning, il nous fait un blind test. Ah. Alors, blind test pour Fredo. C'est facile, Fred, en plus. Alors, attention. C'est un truc qui déchire. Attends. C'est ce qu'on va retrouver dans un instant. Bobby Shmurda. Terrible. Il vient d'où, Bobby Shmurda, toi qui Il vient de New York. C'est un New Yorkais. Je t'avais rencontré dans le Bronx, il me semble. À une époque. Évidemment. Mais... Bobby Shmurda. Il est jeune quand même, Bobby Shmurda. Il a 21 ans, Bobby voilà. Shmurda, je crois, c'est ça. Hein. Donc t'as dû le rencontrer quoi. Il avait 11-12 ans. À peu près, oui, quand c'est... j'étais à New York. Quand tu étais à. Très crédible tout ça encore. NYC. Exactement, NYC. Bon, en tout cas, où que vous soyez, vous pouvez nous appeler dès maintenant. C'est Radio Libre. On démarre dans un instant avec Bobby Shmurda, avec toute l'équipe et avec vous en direct aussi. On va tout déchirer ce soir, des surprises pendant l'émission, le problème du mois et tout le reste. Soyez là. Et demain, on n'oublie pas Planète Rap avec La Fouine. Ouais, qui revient pour le dernier Planète Rap de CDC4, Capitale du Crime 4. Eh ben, c'est à pas louper. Merci Fred. Et j'ai passé pas l'hippopotame, hein, c'était quoi le. C'était la chauve-souris. La chauve-souris. Non, l'autre. L'autre animal. Le dinosaure. Ah, le voilà. Le dinosaure vient de passer. Salut. Ah, ouais. Ça y est, on l'a reçu. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Cédric. Eh ben, c'est parti, là, on y va dans un instant. L'équipe est là. On démarre avec Bobby Shmurda. Salut Fred, à demain. Ciao. Ciao. Ciao. À demain. À demain. Publicité.